Le délire continue sur le 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin. C'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On entame dès maintenant notre deuxième heure. On va débuter dès maintenant avec un petit peu de rock. On va avoir un succès souvenir des Libertines. Ensuite, on va y aller avec les Montréalais Hot Springs. Et on va terminer avec les Happy Ballettes. Je vous le rappelle, aujourd'hui, c'est le spécial Non au Noël Mercantile. Pendant tous mes prochains micros, je vais vous interpréter à l'aide de ma fidèle guitare acoustique des extraits de mon CD de Noël. André Péloquin, acoustique dans ta face, seulement $14.95 via mon site web, leplectrumcism.blogspot.com. Il y a aussi mon courriel, si vous voulez me rejoindre, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, c'est leplectrumcism@hotmail.com. Et là-dessus, j'ai pas mal tout dit. Oh, j'oubliais, si vous aimez le podcasting, la balado diffusion, des émissions à télécharger pour votre iPod et autres lecteurs MP3 de la sorte, allez sur le pod modernisme.blogspot.com et vous aurez une jolie surprise. On débute dès maintenant avec Can't Stand Me Now des Libertines sur la marge, le 89.3 FM CISM. sudden but you ministry. You'll learn your etiquette, the tree. Climb the ranks and join us here amongst the bourgeoisie. We all laugh endlessly, extend our pinkies when we drink, and thumb our noses at the lower classes in the penny seats. You move up socially. C'est pas pour vous, mais même s'il fait froid dehors, en cet hiver, moi, il fait chaud dans mon cœur, car j'anime Plectrum, la grande traversée du jeudi. Oui, c'est moi, André Péloquin, le seul, l'unique, l'incroyablement gossant, et c'est la grande traversée du jeudi! On vient de terminer avec les Happy Bullets, un petit peu de rock pour débuter... Pour débuter cette deuxième heure, c'était la pièce de Vice and Virtue Ministry tirée de l'album du même nom. On avait aussi un peu avant les Hot Springs avec la fameuse Bacteria, c'est tiré de leur EP Rock Partos. Et on a débuté avec les Libertines, c'était Can't Stand Me Now tiré de leur album éponyme. On va poursuivre maintenant avec un bloc thématique, ce n'est que des chansons qui vont vous donner le sourire aux lèvres, c'est un bloc aux joies. On va entendre entre autres des pièces de Tylee and the Wall, des Canadiens Immaculate Machine. On va aussi avoir du tralala et du go team. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez parvenir, me faire parvenir tout ça à plectrumcism.blogspot.com. Il y a aussi ma balado diffusion, c'est le podmodernisme.blogspot.com et mon email, c'est le plectrumcism@hotmail.com. Mais avant de débuter avec la pièce Reckless de Tylee and the Wall, je vous l'avais promis en débutant cette émission, un autre extrait de mon CD André Péloquin acoustique dans ta face. Cette fois-ci, la pièce s'appelle Entre Champlain et Chicago. On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. te voilà, peau de femme, comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même un autre éclat depuis toi. Hein? C'est bon, hein? Tu vas entendre la suite de la pièce. Achète mon album, va sur mon site web. Ça s'appelle André Péloquin, Acoustique dans ta face. Et c'est l'album de l'année en 2006. On débute dès maintenant avec Tiny in the Wall sur la marge. You André dans la place. Oui, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Pellequin, c'est la grande traversée du jeudi. Plectrum qui se poursuit, on vient de terminer avec le Go Team, une pièce enregistrée lors d'un concert. Elle s'appelle bien sûr Lady Flash. Un peu avant, on avait Tralala avec All Fired Up. Un peu avant, Immaculate Machine, tirée de leur album Ones and Zeros. C'était la pièce Don't Leave Without Us. Et on a débuté avec Tylee and the Wall, c'était Reckless, tirée de leur album Wild Like Children. Avant de poursuivre avec un petit peu de rap, on va poursuivre avec un autre extrait de mon super fantastique album André Pellequin, acoustique dans ta face. Je vais vous jouer un petit extrait de la pièce Mouton Noir, Mouton Noir, Mouton Noir. C'est très poétique, vous allez voir. Et un instant que je retrouve mon pic. Ok. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur les biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ». Oh, hein, c'est bon, hein? 14,95 seulement sur mon site web. Cadeau idéal pendant le temps des fêtes. On va entendre prochainement un peu de rap. On va débuter avec les Beastie Boys. Ensuite, on va y aller avec du Notorious B.I.G., du Eric B. et Rakim et du Buck 65. Tout ça, il y a encore plus à venir sur Plectrum, la grande traversée du jeudi, sur les ondes de CISM 89.3 FM. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Shine. era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the Trey Deuce and the Deuce Deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black, smoking sacks up in Axe and Sidekicks with my sidekicks, rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Bugging and bucking at niggas like I was duck hunting. Dumbing out just me and my crew, cause all we wanna do is bullshit. If I had my piece, sure do. 222s in my shoes. Holla if you need me, love, I'm in the house. Roman stroke, see what the honeys is about. Moet popping, hope popping, ain't no stopping. Big Papa, I'm a bad boy. Niggas wanna front, who got your back? Biggie. Niggas wanna flex, who got the gap? Biggie. It ain't hard to tell, I'm the East Coast overdoser. Nigga, you're scared, you're supposed to. Nigga, I toast you. Put fear in your heart. Fuck up the party before it even start. Is he drunk? Off a Henny and Skunk? Or some brand Nubian shit beating down punk? And we party, that bullshit. That's that. And we party, that bullshit. And we party, that bullshit. And we party, that bullshit. And we party, that bullshit. And we party, that bullshit. And we party, that bullshit. And we party, and bullshit. And bitches in the back looking righteous in a tight dress. I think I might just hit her with a little Biggie 101. How to tote a gun and have fun with Jamaican rum conversation. Blunts in rotation. My man Big Jock got the Glock in his waist and we're smoking, drinking. Got the hooker thinking. If money smell bad, then this nigga Big is stinking. Is it my charm? I got the hookers eating out my palm. She grabbed my arm and said, let's leave calm. I'm hitting skins again. Rolled up another blunt, bought a Heineken. Niggas start to low down. A kid got choked out. Blows were thrown and a fucking fight broke out. Chill, man, chill. Can we just all get along so I can put hickeys on a chest like little Sean? Get a pissy drunk off a Dom Perignon and it's on and I'm gone. That's that. Town like stuff. Takes place uptown. I grew up on a sidewalk while on street talk and then taught the whole New York. I go to Queens for Queens to get the food from Brooklyn. Make money in Manhattan and never been token. Go uptown to the Bronx and boogie down. Get strong on the island, recoup and lay around. Time to build my juice back up. Pop stack up. Suckers get smacked up. Don't doubt the clout. You know what I'm about. Knocking niggas off. Knocking niggas out. Shaking them up. Waking them up. Breaking them up. Breaking them up. Standing on shaky ground. Too close to the edge. Let's see if I know the ledge. Corners trifling, cause shorty's here. I get cocked deep, living 40s to beer. Here's a sip for the crew that's deceased. If I get revenge, then they rest in peace. Somebody got a self, I just might spare one. And give a brother a fair one. Stay alerted on fees. And I do work with these like Hercules. Switch to southpaw, split your right jaw. Cause I don't like y'all, I'm hype for nightfall. Smooth, but I move like an army. Pull a group down, face brothers try to bomb me. Putting brothers to rest like Elliot Ness. Cause I don't like stress. Streets ain't a place for innocent bystanders to stand. Nothing's gonna stop the plan. I'll chill like Pacino, kill like De Niro. Black Gambino, die like a hero. Living on shaky grounds, too close to the edge. Let's see if I know the ledge. Shells lay around on the battleground. Dead bodies are found throughout the town. Try to put shame in my game to make a name. I'ma put it on a bullet, put it in your brain. Rip the block like a buckshot. Who cares where it goes? Just keep the casket closed. and crazy juice. In control of many, like I am Tony Khamenei. Hang out with Smith & Wesson, don't try to play me. I'm at war a lot, like don't want to die. But no war in a shot, my gun is warm a lot. When I cook beef, the smoke will never clear. Areas in fear, but this here's a fear. Living life too close to the edge, hoping that I know the ledge. Brand new morn, no time to yawn. Showers on, power's on, late for school. I catch the train, girl set the style and whisper my name. I push up like an exercise, check the intellect and inspect the thigh. Select the best one, pull it to the side, keep her occupied for the rest of the ride. Read up my resume, she know already cool. Just meet me after school, we can moan and groan until your mom come home. And you'll be calling me Al Doe Capone, sweat me. She didn't wanna let me loose, come get me. As if you wanna sip the juice, cause the streets are wavy. So I take my gun off safety. Cause a lot of niggas hate me coming out of the building. They set me up, sprayed with automatics, they wet me up. In a puddle with blood, I lay close to the edge. I guess I didn't know the ledge. We'll be right back. Que d'émotions vécues aujourd'hui lors de cette grande traversée du jeudi Plectrum à ma compagnie André Péloquin. On vient de terminer avec un petit peu de hip-hop. La dernière pièce qu'on a entendue, c'était Box 65 avec le 65isme tiré de son nouvel album Secret House Against the World. Un peu avant, on avait Eric B et Rakim. C'était la pièce No de Ledge tirée de son album Don't Sweat the Technique. Un peu avant, tiré de la bande sonore de Who's the Man, c'était Notorious B.I.G. avec la pièce Party and Bullshit. Et on a débuté avec une valeur sûre, c'était Sure Shot des Beastie Boys, tiré évidemment de l'album Ill Communication. Avant de vous laisser avec un bloc épique, c'est des pièces qui sont très longues, on va avoir un extrait du nouvel album de Islands, la nouvelle mouture des Unicorns. Elle fait près de 10 minutes, elle est excellente, on va jouer Swans. Et si on a le temps aussi, on va terminer avec The Doves et l'éternel There Goes the Fear Again. Moi, c'est déjà ma dernière intervention, c'est quasiment la fin de l'émission. Mais en plus de vous laisser en musique, je vais vous laisser une dernière chance d'acheter mon nouvel album André Péloquin. Acoustique dans ta face. Si vous voulez avoir plus de détails sur cet album ou sur la programmation de l'émission, c'est au plectrum.cism.blogspot.com. Vous pouvez aussi m'écrire par courriel, c'est le plectrum.cism@hotmail.com. Et histoire de vous laisser en beauté, j'y vais avec un autre extrait d'une pièce qui s'appelle Afrique ma toute belle, une espèce de chanson politisée. À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tous ceux que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager. C'est bon, hein? 1495. Salut tout le monde, à la semaine prochaine! song, song.